Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve, il est 21h approximativement. Et vous allez avoir droit à un nouvel épisode de Milky Waves, épisode 27 sur Radio Vibration. Toujours le Raf au micro et cette semaine c'est Groove Jesus qui va animer la soirée. Et sans plus attendre, le premier titre de la sélection de Groove Jesus, il s'agit de Canuba. Le titre c'est Kelsmer, un original mix, c'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Groove Jesus. Thank you. Nous venons d'écouter Kelsmer de l'artiste Canuba. Alors maintenant, on va écouter un autre artiste, Moderat, avec Bat Kingdom. Après Marcel Detman, c'est au tour de DJ Cause de s'attaquer au remix du fameux Bat Kingdom. Il va en faire une version très orientée dance floor. On écoute ça tout de suite. C'était Moderate avec Bad Kingdom et c'était un DJ Cause remix. À suivre le duo Am, le duo allemand qu'on a pu écouter cet été à Tomorrowland. Et le titre qui signifie en français machine célibataire, tout un programme. En allemand, c'est Junggesellenmaschine. Allez, on découvre ça. Thank you. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. C'était Am avec Young Salon Machine, un chouette petit morceau. Vous êtes toujours sur Vibration, Vibration.fm ou 107.2 Bruxelles, bien entendu, avec le Raph au micro et cette semaine Groove Jesus. À suivre le producteur espagnol Hunter avec un track pas tout récent puisqu'il date de 2011, il est sorti à l'époque dans le label Dynamic. Le titre c'est Bass Boot, ça reste du tout bon ça. Voilà, c'était Hunter avec Bass Boot. Et maintenant, nous allons écouter l'artiste Sven Vatt qui, pour fêter ses 50 ans, s'offre des remixes de son légendaire track L'Esperanza. Et c'est réinterprété par Amé qu'on a entendu précédemment. C'est parti. nous venons d'écouter Svenvat avec L'Esperanza, réinterprété par Amé. Et maintenant, on passe à l'artiste Archive, le titre c'est Again. Et c'est remixé par Maceoplex. Groove Jesus m'a confié que Maceoplex, qui est l'artiste du moment évidemment, c'est son mixeur préféré pour l'instant. Et figurez-vous que le remix n'est pas encore officiellement sorti. Donc pour Milky Ways, Groove Jesus nous a gâtés. Alors on écoute ça tout de suite. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. du tout bon ça, c'était Archive avec Again et c'était remixé par Maceoplex. Alors maintenant on va s'écouter une très bonne sortie sur le label Manual des Pays-Bas, il s'agit de Rutenbergs. Le titre c'est Fat Duck, c'est un original mix, c'est parti sur Milky Waves. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Alors après Rutenbergs et The Fat Duck, on passe à Maceoplex, l'artiste préféré de Groove Jesus dans sa sélection. On va découvrir un des trois excellents tracks de la série Conjure. Celui-ci c'est Conjure Drama, c'est parti. Thank you. Voilà, c'était Masséoplex sur Milky Waves avec Conjure Drama. Toujours le Raph au micro et Groove Jesus au platine. Groove Jesus qui nous gâte hein, ce week-end, franchement, du tout bon. Alors on passe à Gardens of God et Fiddler. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. Voilà, nous venons d'écouter Gardens of Gold avec Fiddler sous le label Elom, le label Elom qu'on retrouve maintenant avec l'artiste Shal Hawkin. Le track qu'on va écouter, c'est un track un tempo électro-disco qui plaît déjà à beaucoup de monde. Il s'agit de Orbis. C'est un original mix et c'est parti. À l'écoute sur Milky Waves, le track Orbis de Shal Hawkin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission Milky Waves, épisode 27 avec Groove Jesus qui a trouvé l'inspiration apparemment. Excellent, excellent set pour Groove Jesus, merci. Alors le dernier morceau que nous allons écouter, sorti sur le label anglais Last Night on Earth, de la star Sacha notamment, il s'agit de l'artiste Alex Nigeman. Et le titre, c'est Tarkus. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec DJ Fire pour l'épisode 28. D'ici là, ben, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, Milky Ways, 21h le dimanche. Bye bye!